Oui, croyez-moi, c'est elle que j'aime. Oui, c'est elle. Oh oui, c'est bien elle. Oui, croyez-moi, c'est elle que j'aime. Oui, c'est elle. Oh oui, c'est bien elle. Papa est furieux quand je sors avec elle. Il en devient bleu quand parfois je l'appelle. Oui, croyez-moi, c'est elle que j'aime. Oui, c'est elle. Oh oui, c'est bien elle. Quand on s'est vu pour la première fois. Oui, c'est elle. Oh oui, c'est bien elle. Oui, j'ai compris que c'était bien elle. Oui, c'est elle. Oh oui, c'est bien elle. Et rien ne pourra m'empêcher de l'aimer. J'y tiens, c'est pourquoi je ne peux vous cacher. Oui, croyez-moi, c'est elle que j'aime. Oui, c'est elle. Oh oui, c'est bien elle. Maman dit c'est insensé. Elle n'est vraiment pas faite pour toi. Mais au fond, pourtant, moi je le sais. C'est pour elle que mon cœur bat. Elle fait partie de tous mes rêves. Oui, c'est elle. Oh oui, c'est bien elle. Elle fait partie de tous mes rêves. Oui, c'est elle. Oh oui, c'est bien elle. Papa dit qu'il faut l'oublier. Pourtant je ne crains pas de lui répéter. Oui, croyez-moi, c'est elle que j'aime. Oui, c'est elle. Oh oui, c'est bien elle. Croyez-moi, c'est elle que j'aime. Oui, c'est elle. Oh oui, c'est bien elle. Oui, croyez-moi, c'est elle que j'aime. Oui, c'est elle. Oh oui, c'est bien elle. Aussi mes parents n'y peuvent rien. Elle est tout pour moi, c'est pour ça que j'y tiens. Oui, croyez-moi, c'est elle que j'aime. Oui, c'est elle. Oh oui, c'est bien elle. Croyez-moi, c'est elle que j'aime. Oui, c'est elle. Oh oui, c'est bien elle. Oui, croyez-moi, c'est elle que j'aime. Oui, c'est elle. Oh oui, c'est bien elle. Croyez-moi, c'est elle que j'aime.